pour tous ces gens de l'under. MC, braqueur, voleur ou vendeur. Les gars, est-ce qu'on a faim? Ouais, on a faim. Est-ce qu'on la ferme? Je pense que non, frère, tu veux que ce soit la fin. Mais ça commence à peine, putain. Qu'est-ce qu'il nous faut avant? La gloire, le putain. Je rentre flagrant délit. Sors ton pétard, je frappe un délire. Et les vrais gars sont ton pétard. Le rappeur des rues vient tout piller. Pour ceux de chez toi, de chez moi, tous les minots oubliés. Tout ce qui pense au kilo de billets. Aucune personne se fiste. Libre comme la locale ou les feuilles de coca maîtrise. Écoute l'argot maîtresse, voir si tu maîtrises. Ou méprise, ou surprise, pour le 13. Les gens que je fréquente, je vous dédie méprise. De la part du monde modeste. Toujours en alerte, seul du reste mon modèle dans ce monde moderne. C'est de la pure réalité, même si le morceau est simple. Voilà la qualité, autant que ton morceau à 5. Je dis les choses comme elles sont, rien de tel. Pour sentir aux anges, autant que la clientèle, faut consentir aux gens. On change d'avis comme de slip, mais pas d'amis. Mais pas si l'un des nôtres trahit, on le poigne. On change d'avis comme de slip, mais pas d'amis. Si l'un des nôtres trahit, on le poigne. On change d'avis comme de slip, mais pas d'amis. Si l'un des nôtres trahit, on le poigne. Le comment, du pourquoi, c'est ce putain de ceci, ce putain de cela, ce putain de soucis, ce putain de parce que qui colle à ta vie. Comme un parc et sale à tes pieds, débarque mal sans se méfier. Devant de 5-5, c'est comme si t'écartais le fessier. Fais chier, trop de faux m'ont fait un fichier. Le vrai se reconnaît trop et sans se vexer, sans se culpabiliser. Les bluffeurs et les fesseurs, par contre, m'ont balisé. Je pense que j'ai décroché le sommet, changé d'esprit exprès. Alors que c'est la même galère, le même mystère, j'espère être assez malin pour reconnaître mes frères. Les frères, dans le son, parce qu'on a le même pédo dans les veines. La même vision de voir, la même rage et les mêmes problèmes. La fin rond. Trop veulent ce coin frais, le point je fais. Les MC pensent plus à l'oseille qu'au progrès. Parce que le rap c'est un rêve, c'est éphémère. Si tu crois trop fort, la défaite a un goût amer. On change d'avis comme de slip, mais pas d'amis. Si l'un des nôtres trahit, on le bannit, on le bannit. On change d'avis comme de slip, mais pas d'amis. Si l'un des nôtres trahit, on le bannit, on le bannit. Si l'un des nôtres trahit, on le bannit, on le bannit. Et comment me repérer? Du quoi je rêve, netteté, zéro pour paluter. Plan ébutant, je le sais, je le signe. Transfère la parodie de la terre à travers ces lignes. Pas de limite, mon périmètre sous ce monde et son or. Oh shit, mon manuscrit, minuscule je suis. Vent incomparable, figé. Dieu, seul celui, source d'énergie. C'est un humain en vie, tout âme, tout crédit. Tu veuilles ou pas, on est dans l'erreur, c'est comme si. Thriller, stratégie, tragédie. Organise son JP, une piste. Même nos convictions restent tristes. Catégorie, fa théorie, Queen Scully, ma fille Rouen. Yo, Game 5-5, que clique. On change d'avis comme de slip, mais pas d'amis. Si l'un des nôtres trahit, on le bannit, on le bannit. On change d'avis comme de slip, mais pas d'amis. Si l'un des nôtres trahit, on le bannit, go fast. Écoutez voir les mômes, et certains gars qui bluffent. Un envoyé spécialement pour le coup du ref. Sur notre propre compte, faut croire que les mauvais comptes. Hein, nous urinons, pour ceux qui s'en prennent. Hein, tu sais comment on se nomme. Notre but, vider des comptes à ceux qui s'en plaignent. Rendre des comptes sur n'importe quel format de feuille. Rien à foutre sacré envers certains gens sacrés. Hey, les complexes terribles d'infériorité.